c'est ça qui est bon. Je n'ai plus de voix, mais bon, je l'ai joué. Ça résonne, les rimes reviennent. Que se passe-t-il? Je me démène. Je galère un peu, je rame. Mais bon, c'est pas de problème. Je fais ça quand même. Ah. Ok. Que dire, que faire, à part qu'on est là pour se mettre bien. Que dire, que faire, à part que jusqu'à demain, on peut faire rien pour faire de la musique. Moi, je préfère la deuxième option. C'est ça, faire un peu d'improvisation pour s'amuser. Gars, tranquillement, on est pas là pour la synchronisation, mais on la fait quand même. Y'a pas que ça, y'a autre chose, y'a le groove, y'a la vibe, gars. J'aime quand ça sonne, quand c'est cool, quand c'est chill. J'aime quand ça donne. J'aime ça quand le beat est bon. J'aime ça quand c'est de la zik qui fond dans le cerveau, qui fait fond dans les neurones. Yeah. J'aime ça quand c'est bon, j'aime ça quand ça sonne. Seul, ferme ta gueule, yo, accepte la débat. Ne parle pas mal de Mr. Baggins. Tu pourrais finir seul, je suis pas méchant. Mais je peux être dangereux sans faire exprès. Je suis pas un petit écolier de lu. Je suis pas tout sec, mec. Je suis pas tout sec, non, non. Parle pas mal de mes faces, tu les as pas lu. Appelle-moi Magic Bongo. Je te défonce comme une pipe à eau. Sauf qu'à la place de l'eau, j'aurais glissé un peu de nitro, glycérine. Merci à Zox pour la rime, la soirée va être folle. Vas-y, je t'en prie, ramène tes copines, je suis un espéreur. Je dégaine un sourire, je suis trop tueur, je smile. Pendant que toi, tu défourailles, touche plus de monde avec mes faces que tous tes potes quand ils écrasent un type tout seul. Moi, y'a trop d'oreilles qui m'ont à l'œil et tout n'est pas si facile quand il s'agit d'avoir du style. Regarde, gynéco, oui, il est parti en vrille, moi je roule des têtes. Plus long que la bite de Rocco, si crédit en érection. Tigre, ton lyrique, t'écoute mon son, y'a fait gaffe, garçon. C'est l'inondation d'endorphine. Je t'avais pas dit ramener des copines. Si, si, je te l'avais dit en plus. Alors qu'est-ce que tu fous là? Va prendre le bus, je sais pas, va chercher ça, va ramener de là. Non. Thank you. son, faut allumer le fire, faut que bordel dans la France. Ma vie perturbe la place. La vie est dure, ça brasse, la weed est pure, ça casse. Comme un conflit gorille devant ses clowns, sans le babybel sur la face. Mais eux aussi doivent se marrer, tant que tu votes docile, eux peuvent se parer, ils appellent ça démocratie. Bon enfoiré, 200 ans d'oligarchie, quelle femme de taré. Moi comme un vieux singe, j'observe les déduits, que vos grimaces c'est votre linge, et que votre savoir est réduit. Je suis un animal. Je m'en fous de ta vie, mais en plus de ça, bah c'est ma place ici. Un chien, je t'ai trop senti arriver, mais bientôt tu seras reparti. Allez, bye bye, salut, viens essayer, hein. Mais nous on voulait être libres, toi tu voulais la certitude d'être payé. Et nous juste peut-être vivre, jouer te suivre comme des animaux crier. Lève les bras liés, croire que c'est beau la vie, comme chez Haribo. Tu voulais des lingots malgré les papes, à ramasser les liasses qui t'a donné ton nain. J'en ai déjà dit trop. La frousse, j'en ai pas, je suis chaud. La bourse, c'est du casino. De la locasmino. Je suis pas Casimir pour me calmer. Faut quasiment une camisole et quatre schizo. Ramène des fous qu'on jacque. L'affaire est triste avec les gens sains d'esprit. Ramène les dix, vont se battre. Au nom de la paix, pas du vice, lance un défi. Arrête le faux contact. Sérieux. Au nom du flair, du twist, je suis un animal. Soi-disant pour le meilleur, elle le lui rendra bien. Mais c'est pas plus mal, couler du béton partout. Dominer la nature, tout faire tourner autour des sous. La terre vers la verdure, l'humain est fou, je t'assure. L'avenir est fou, bientôt y aura plus de pétrole pour ta voiture. Plus d'eau potable que de l'air vicié. Arrêtons supplice et fabriquons un futur. Je vois des humains s'unir. Et c'est loin d'être pour le pire. Je vois l'avenir, comment te dire. Des fois j'ai même l'impression qu'on va bien finir par s'en sortir. Et y'a plus que l'espoir pour tenir. Plus que l'espoir pour tenir. Just like that. Why would I turn? Why would I turn?